cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. On continue la lecture de cette nasiha tayyiba de l'allama al-shaykh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et c'est une risala nafi'ah jiddan. Il met en garde contre cette fitna azima qui s'est propagée à son époque et à notre époque aksa, et le fait de se mélanger avec Ahl al-Batil, khassatan pour les faibles fil ilm, les faibles fil iman, les enfants. Ha'oula, si ils ne sont pas protégés par leur mas'oul bi'idnillahi azza wa jal, par leurs parents, par leurs frères, par leur entourage, et ils sont exposés au shubha, inda ahl al-shubha, inda ahl al-shubha, que ce soit dans les écoles ou autres. Ce que cite Cheikh Saadi, c'est un exemple, les écoles. Lakin, ça peut être autre chose. Tant que ceux qui dirigent cette chose, ils sont à la shar, à la batil, qu'al kafara, ou ahl al-bida, ou al munafiqin, à exposer son enfant, son proche, qui se mélange à ha'oula, ça c'est un danger. C'est ça qu'il veut démontrer Cheikh Saadi. On doit faire des efforts. Si on aime nos enfants et on leur veut le khayr, enfin on doit emprunter le chemin pour le khayr. Al-mushkil al-an, on vit à une époque anna kathir min an-nas, ils aiment leurs enfants. Wa a'taqid anna n'importe quel parent il aime son enfant. Lakin al-mushkila, c'est la définition du khayr et la définition kadhalik de ce que cet enfant il a besoin, ce qu'ils appellent l'avenir. Hada Awardanas, ils aiment leurs enfants. Ne crois pas que tous ceux qui mettent leurs enfants à l'école, annahum, ils détestent leurs enfants. Abtan. Lakin, imma il est ignorant. Il ne sait pas la gravité. Et il ne sait pas le réel besoin que son enfant il a. Et il ne sait pas c'est quoi l'avenir. Que vraiment cet enfant, cet avenir, il le sera utile. Tout ce qu'il y a avec la religion, etc. Il ne sait pas. Ou il sait certaines choses, lakin, il a des faiblesses. Une faiblesse dans la foi. Ou fitna, il n'arrive pas à patienter, il sait que si il ne place pas ses enfants, ils peuvent lui être retirés, il risque certaines choses, il peut avoir des problèmes d'argent. On doit travailler sur ce point. Il y en a, les problèmes, ils sont connus, et si on connaît les problèmes, Inch'Allah, on connaîtra la solution. L'avenir, ce n'est pas l'école. Là, l'avenir, c'est l'ilm. Il ne faut pas confondre entre école et ilm. L'école, c'est, il n'y a rien à voir avec l'ilm. Surtout l'école à notre époque. Al-ilm al-shar'i, dont ton enfant il aura besoin et ça lui sera utile, ilm din, l'école elle ne peut pas lui donner ça. Kadhalik l'éducation. Al-an, ce qui se passe dans les écoles, khasatan 'inda al-kuffar, ça contredit l'éducation qui est citée dans le Coran et au Sunna. Tout ce qui est lié au tawhid, au respect. Aimer Allah, aimer son prophète, respecter ses parents, respecter son voisin, respecter ses proches. Avoir de la pudeur, tout ça, tu ne trouveras plus dans cette école. Donc, fais attention, Akhil Karim. Ne pense pas que cette école, c'est l'avenir. Là, l'avenir, il est biyadillahi azza wa jal. Si ton enfant, il fait des efforts fil ilm, et que d'alik, il a le droit de faire des efforts fil ulum al-dunya, lakin, pas inda al-kafara. Yana nahnu, quand on parle d'éducation, on parle de ilm, ça ne veut pas dire que l'insan, il ne peut pas profiter des autres. Là, lakin, inda ahl al-khayr. Et à notre époque, c'est très difficile. Hatta fi bilad al-muslimin. Al-Ihad, il vaut mieux préserver son enfant et faire des efforts dans les choses qui lui seront utiles et l'écarter de toutes ces fitnes. Qu'est-ce qu'il va gagner s'il a fait des études, 10 ans, 15 ans, et on qaddar qu'il a atteint un bon niveau? Et si tu regardes al-waqi', et ce qui se passe vraiment, c'est que la plupart des enfants, ils n'atteignent pas un bon niveau. Dans toute une classe, il y en a un ou deux, Obama, qui va atteindre un tel niveau pour avoir tel emploi. Mais la plupart, c'est l'école, ça ne lui servira pas à grand-chose. Enfin, si on considère qu'il a atteint un bon niveau, lakin, il s'est fait du mal à son din. Il a fait du mal à sa aqid. Il a fait du mal à son éducation que ses parents lui ont donnée, qui était fondée sur Al-Qur'an et Al-Sunnah. Est-ce que cet enfant, il est gagnant? L'enfant, il est perdant et les parents, ils sont perdants. Et si cette école, ça devient la cause qui perd son dîn, comme c'est le cas, Parfois, il a tout perdu. C'est ce qui veut démontrer Al-Allam al-Shir Sa'di rahimahullah. Ses enfants, c'est une amana. C'est une amana. Et Al-Amana, tu dois avoir un mouqif. Tu es responsable. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et ihdhar min ad-dunya. Dunya, c'est une fitna. Et kadhalik, ihdhar min at-taqlid. Tu fais comme les gens ils font. Tout le monde envoie son enfant à l'école. Donc j'envoie mon enfant à l'école. Et Al-Al, on est arrivé à un stade, si tu ne mets pas ton enfant à l'école, Al-Nas, il est à Al-Tjepoun. Ka'annaka, c'est toi qui fais quelque chose d'étrange. Et c'est toi qui es en danger. Alors que, fil-haqiqa, c'est hum. Fali-hada, la taqtar. Préserve ton enfant et pense à yom al-qiyama, tu auras des comptes à rendre. Fais des esbab. Fais des esbab. Aïe, annaka, tu ne le places pas inda ahli shar. Qala, shir sa'di, kayfa yuslim al-aqil mouallih yundar hadihi al-kalima. ضبطها وهو خالي الذهن من التعاليم الدينية ومن الأخلاق المرضية إلى هؤلاء الذين يحشون ذهنه بالإلحاد والتشكيكات. Comment ce père de famille, cette mère de famille, ils vont placer cet enfant أنه مسكين, il est faible, il connaît pas encore grand chose, il connaît pas son din, il connaît pas makr al-kuffar, بل lui il pense et il comprend qu'il a été placé dans cette école pour qu'il fasse des efforts et pour qu'il prenne d'eux. S'il a été placé chez ses professeurs, c'est pour qu'il apprenne d'eux. Ses parents, s'ils savent que Ha'oula, c'est des kafars, et Al-Kafir, ils combattent. La tartar. Il y en a certains parents, ils disent là, cette école, ils sont bien. Si c'est un kafir, comment tu lui attribues le bien alors que c'est un kafir? Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa lan tarda anka al-yahoud. Les juifs et les chrétiens, ils ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu les suives. La kif, tu dis, ils veulent le bien, oh, ils sont bien, oh, ils ne font pas de mal. Qala, yahshun dhihnahu bil ilhad wa tashkikat. Yahshun, ils vont remplir son dhihn, son cœur, sa raison, son esprit, bil ilhad wa tashkikat. Prends l'exemple faqat de la théorie de Darwin, mathalan. Prends ça seulement. Toutes les écoles, ils appellent à ça. Dans leurs cours, que ce soit les cours d'histoire, de sciences naturelles, ils leur montrent, ils leur expliquent tout pour contredire cet univers, c'est Allah qui l'a créé. Imma, il parle de Big Bang, imma, il parle de l'être humain, il descend du singe, la théorie de Darwin. Tout ça, ça harb al-rububiyya. On ne parle même pas l'un de bid'a' ou de shirk fil uluhiyya. Là, on parle de al-rububiyya, que Shaitan il a reconnu. Qala Azza wa Jal an Iblis, quand il a cité l'histoire, Iblis il ne voulait pas se prosterner. Qala khalaqtani min nar. Iblis il reconnaît, Allah c'est lui qui l'a créé. Et Kuffar Quraysh il reconnaissait. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ils diront Allah. Qui c'est qui les a créés? Ils diront Allah. Ils vont mettre des doutes à ton enfant. Des choses qui contredisent complètement Dieu. Et cet enfant, s'il est éduqué des années à la hada, il est à la khatar. Surtout si ses parents, ils savaient. Qala, Wallahu yaqul, ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha annasu wal hijara. Tu veux l'avenir pour ton enfant? C'est ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, préserve ton nafs et celle de ta famille, de tes enfants. Naran wa quduha an-nas wal hijara. L'avenir de ton enfant, bi'idhnillahi azza wa jalla, c'est que tu fasses toutes les causes pour qu'il ne rentre pas fin nar. Wallahi, même s'il va pas à l'école, même s'il a pas d'argent, même s'il a rien, yasbir, il meurt ala hada al-hal, ala at-tawhid wa as-sunnah, fa il est min ahli al-jannah. Et il aura gagné, c'est ça la réussite. الدنيا سينتا une fois في الجنة il oubliera tout كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم démontré أن الله عز وجل يغمس أفقر أهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى il trempera في الجنة la personne qui a le plus souffert في الدنيا. Et pas d'argent, il avait rien et il est trempé مرة واحدة في الجنة, il oubliera tout. C'est ça l'avenir pour ton enfant. أما il a fait des études et à la fin il fait plus salat, il a des doutes, est-ce que c'est Allah qui l'a créé? Il n'a aucun respect pour la sunna, pour le Coran. Il ne sait pas c'est qui son prophète. Et il rentre vite dunya. Et il va acheter une maison, il va acheter une voiture, il va avoir ce qu'ils appellent son avenir, et il meurt à la hada al-hal. Qu'est-ce qu'il va dire fil qabr? Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Première étape, qu'est-ce qu'il va répondre? S'il n'a pas appris, s'il n'a pas appliqué. C'est ça l'avenir. Ils ont tout un système pour combattre ad-din. Et parmi ce système, l'éducation. Que ce soit les écoles ou autres. Quand on dit les écoles, ça englobe hatta les programmes. Il y en a beaucoup, ils vont pas à l'école, mais ils étudient leur programme. Et ils se font toucher par هذه الفتنة. قال أي بتعليمهم ما ينفعهم. Tu veux préserver ton enfant, c'est pas en l'envoyant à l'école, عند الكفار. C'est بتعليمهم ما ينفعهم. Et ce qui va être utile pour cet enfant, c'est l'ilm al-shar'i. Et l'ulum al-dunyawiyya, si c'est pas en contradiction avec le din, et il donne de l'importance à son din, fa tayyib. Enfin, le musulman, il a le droit d'apprendre la médecine, d'apprendre des domaines qui touchent à l'industrie, qui touchent, il a le droit, tant que ça ne contredit pas le din. Lakin ihdhar min al-kafar. Il y en a le kuffar, ils vont te donner ce ilm, ils vont te donner autre chose. Et ils vont te prendre beaucoup. قال ولم يقومهم بالأخلاق أو نسينا نعم أي بتعليمهم ما ينفعهم والتهذيب أخلاقهم فمن لم يعلمهم العلوم الدينية ولم يقومهم بالأخلاق والآداب المرضية فإنه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم. Donc celui qui fait pas d'effort et qui donne pas cette éducation islamique à son enfant, que ça soit l'ilm et bien sûr les bons comportements, l'éducation, il n'a pas appliqué ce verset, alors que c'est une obligation. Elle est là l'obligation. L'obligation, ce n'est pas l'école. Ind al-kuffar, là. Eux, ils l'ont rendu obligatoire. Pourquoi al-kuffar? Pour manipuler ton enfant et manipuler les futures générations. Faqad. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné hada. Ya ayyuha alladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Qala. Fakayfa ma'a hada idha sa'a fi ta'limihim al-ulum al-dharra. والأخلاق الرذيلة. Et c'est le cas de beaucoup. والله المستعان. أنهم il n'y a pas d'éducation islamique, il n'y a pas d'ilm. Et dans leur foyer, leurs enfants. بل c'est l'inverse. Ils délaissent le khayr et ils les poussent au mal. Ces écoles, il y a la mixité, ils apprennent le batil, les professeurs c'est des kuffars, chacun fait sa da'wa. كذلك les élèves, ils sont, كثير منهم, ils sont à la shor, une mauvaise éducation. Enfin, cet enfant, il est entre eux. Des élèves qui sont à la charte, et ils vont lui faire du mal, et il va être touché par leur comportement, leurs paroles, etc. Et en même temps, un professeur qui lui apprend du charte. Qu'est-ce que tu veux profiter ou tirer de ça? Il le charte. قال فهذا من أعظم الناس جرما وأقلهم دينا. Celui qui fait هذا, et qui délaisse l'apprentissage du din à son enfant, et il fait pas d'effort fi hada, et كذلك il le place dans ses écoles, famin a'zam min nas jurma. C'est du jurm, jarima. C'est comme un crime. Qala wa aqalluhum dinan, et كذلك son din il est da'if. Si c'est un musulman, fa son din il est da'if jiddan. Wa akbaruhum ithman bal wa min ad'afihim 'aqlan, hatta son 'aql. Sans parler, est-ce que c'est un musulman même là? Hatta sa raison, il a un problème. Lianna, il aurait un aql qawi, et il ne se contredirait pas, il ne placerait pas son enfant chez ses ennemis. Abadan. Wallahi, certains parents, s'il sait, on lui montre, on lui dit que cette école, mathalan, il fait trop froid, il n'y a pas le chauffage, farubama, il ne placera pas son enfant. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Faqat. Il veut le bien pour son enfant. Lakin, il regarde que les côtés matériels, entre guillemets, que les choses qui touchent à son corps. Quand on lui dit que cette école, ça fait du mal à son cœur, c'est pas il fait froid. Il fait froid, falhaqiqa, s'il fait pas trop froid, c'est yasbir. Beaucoup d'écoles dans le monde, dans certains pays, ils n'ont pas de chauffage et alhamdulillah, ils s'en sortent. Lakin, al-an, cette école, ils vont combattre son cœur, falhaqiqa, pour lui, c'est pas trop grave. Tout le monde fait ça, mais t'en rajoutes, et min hada al-kalam. قال فإن الأولاد أكبر مغنم ومكسب للإنسان فكيف يرضى عاقل أن يفوت هذا المغنم ويخسر أولاده خسارة لا تجبر. صحيح أن ces enfants c'est une ni'ma. Inch'Allah, ils te seront utiles fil dunya. Et ils te seront utiles hatta ba'd mawtik, si tu les éduques tarbiyatan sahihatan ala sunna wal kitab. Anna amal al-insan yanqati'. Quand l'insan meurt, ses œuvres sont arrêtées. Sauf dans trois cas. Et parmi ces cas, waladun salih yad'u lah. Hatta ce père, cette mère, il meurt. Et cet enfant, il est vivant après eux et il fait du'a, ça leur est utile. Fala tudayya hadhihi an-ni'ma. Pour de l'argent. Ou pour ne pas contredire les gens. Pense à ton dîn, pense à tes enfants, pense à leur avenir. Al-jannah. Pense à hada. Et pense à an-nar. Kadhalik. On n'est pas à l'abri, t'es pas à l'abri. Nos enfants, ils sont pas à l'abri. S'ils grandissent, Inch'Allah, on doit faire toutes les causes. Qala. فإن الإنسان إنسان بدينه وأخلاقه فإذا ذهب الدين والأخلاق صار أضل من الأنعام. الإنسان أي ça devient un homme, une femme, une personne بدين. وإلا سيب الدين فإليك الأنعام. كما قال عز وجل في القرآن. بل هم أضل سبيلا قال عز وجل. بل ils sont pires que l'anam, que les animaux. L'anam c'est les animaux. نحن on a été élevés بدين. On a été élevé bi hadhihi sunnah, bi hadha al-ilm, bi al-Qur'an. C'est ça qui nous a élevé. Enfin, cet enfant, si tu veux qu'il soit élevé, fais des efforts fi din. Fais des efforts pour qu'il apprenne. Si tu connais un endroit, walillahi alhamd, annahum ils enseignent ad-din, la langue arabe, ils sont à la khayr, fa fi hadha tu fais des efforts. Amma 'inda al-yahoud, 'inda al-nasara, 'inda al-malahida. Wallahi, il nous rapporte dans des écoles, l'enfant il rentre chez lui et il parle à ses parents d'homosexualité. Annahu, il se pose des questions. Il entend les professeurs parler de had. Et vu qu'il est à l'al-fitra au départ, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'un homme il peut se marier avec un homme. Lakin, petit à petit, le travail il commence. Et il demande à ses parents. Donc, à son père, il lui explique. Lakin, peut-être deux fois, trois fois, quatre fois, un jour, peut-être il ne sera plus d'accord avec son père. Peut-être il pourrait le contredire. Là, mon professeur, tu m'as placé dans cette école, ils m'ont appris hada. Donc, il peut choisir ce qawl, iyadam billah. Famada sataf'al. Qu'est-ce qu'ils vont te faire ces quelques euros qu'ils te donnent? Si ton enfant, iyadam billah, il bascule ila hadhihi l'afkar. Lakin, kathir min an-nas, ils réfléchissent quand ils sont touchés par un mal. Ils réfléchissent pas avant. Lakin, ahyanan, c'est très dur. Ahyanan, ça peut être trop tard. قال وربما وجد هؤلاء الآباء الذين رضوا لأولادهم التعلم في المدارس الأجنبية نموذج ما عملوه معهم معجلا. Peut-être qu'ils seront touchés par un châtiment s'ils ne prennent pas soin de cette ni'ma في الدنيا قبل الآخرة. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala les éprouvera dans leur enfant. On a cet enfant, il s'égare, cet enfant, on a cité l'exemple avec l'homosexualité ou autre. Pourquoi? Parce que ce père, il n'a pas fait attention à cette mère. قَالَ اِحْتَقَرُوا أَبَاءَهُمْ كَمَا اِحْتَقَرُوا غَيْرَهُمْ كَذَلِكَ رُبَّمَا. Cet enfant, ça devient une fitna pour ce père ou cette mère. Cet enfant, il ne respecte plus ses parents. Pourquoi? لِأَنَّهُ il était dans une école, il donnait aucune importance au respect et à la pudeur. فَلَا تَغْتَرْ الْكُفَارَ الْهُمْ. Il prétend أَنَّهُمْ mais il donne de l'importance au respect. Tout ça, c'est du kadib. Le respect, il est fait le Coran ou fait le Sunnah. Mahom, il dépasse les limites dans beaucoup de choses. Par Obama, cet enfant, cette éducation qu'il apprend à Indal Kufar, il ne respecte plus ses parents. Et on le voit, Hada, ceux qui ont été éduqués dans ces écoles, ce n'est pas comme ceux qui ont été éduqués à Ahl al-Ilm. Tu le vois. Tu le vois dans la parole, tu le vois dans le comportement. Tu le vois qu'avec les parents, tu le vois, Hada. Wallah al-Musta'an. La fitra de cet enfant, où il respecte ses parents, où il leur obéit. Avec ces écoles, avec ce système, hatta ce respect, il va se dérégler. Alors Obama, il parle à son père ou à sa mère comme il parle à wahed fi al-shari', comme s'il parlait avec wahed dans la rue. Manque de respect, il obéit plus, il se rebelle. Qala fa inna qulubahum mamlu'a kibran wa tayhan wa ihtiqaran li ghayrihim. Hadha hal al-kuffar. Qulubuhum mamlu'a kibran. Ils ont de l'orgueil. Ils ne sont pas à la huda. Ils font des choses anormales. Ils aiment bien rabaisser les autres. كما قال تعالى في مثل هذه العلوم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذا حال أهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد. Ils ont du kibre et rabaissent les autres. وقال عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ce kibre, il les a poussés à leur perte. Hatta le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a envoyé avec les messagers, ses livres, la révélation, ils n'ont pas accepté Al-Kafar. Pourquoi? Al-Kibre. Farihu yuma indahum min al-ilm. Ils se sont suffis de ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas voulu Al-Khayr. Fanharafu. Cet enfant, il va être éduqué par Ha'oula. Qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? Ils vont lui apprendre Al-Kibre. À être égoïste, ils vont lui apprendre à rejeter le haqq, ils vont lui apprendre la liberté, tu fais ce que tu veux, la liberté d'expression, la liberté de penser, se rebeller très jeune. Robama, cet enfant, il revient chez lui et il applique ces choses avec ses parents. Et tu le vois. Voilà. Tu le vois, la nouvelle génération qui a étudié Ind al-Kafara, c'est pas comme l'ancienne génération qui a étudié Ind al-Muslimin. À l'époque, dans les masajid, où ils n'allaient pas à l'école, tu les trouvais, ils avaient un respect azim pour leurs parents. Malgré que c'était des djuhal. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur din. Lakin al-Fitra, ils respectent ses parents, ils respectent ses voisins, ils respectent l'imam du masjid, ils respectent les plus grands que lui. C'est dans la fitra. Cette fitra, al-Kuffar, ils la combattent. Cette génération, c'est une génération de rebelles. Hein. La moindre chose, il n'est pas d'accord. C'est pour ça que cette génération, ils ont une attirance vers Madhab al-Khawarij, Kathiran. Le système, il est fait comme ça. Cet enfant, il est habitué très tôt à se rebeller, à ne pas être d'accord. Alors que l'islam, c'est le contraire. Tu dois te soumettre. Tu dois obéir à Allah, obéir à son messager, obéir au gouverneur, obéir à tes parents. Bien sûr, fais ta'atillah. Le respect, être modeste. Le système, c'est tout l'inverse. Tu dois te montrer, ne jamais être d'accord. Et ils appellent ça le courage, ne pas avoir peur. Et كثير من هؤلاء ذهبوا مع الخوارج عيادا بالله. إما الخوارج إما بالسلاح إما الفكر. Et tu le vois هذا par rapport au gouverneur. إلا ولله الحمد السني qui comprend cette مسألة لأن الله وفقه إلا يتجي وإلا الباقون avec les gouverneurs ils ont aucun respect. Et كذلك avec les parents. صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد فإنك تجد كثيرا ممن يتخرجون من المدارس الأجنبية المؤسسة على الدعوة لدينهم عندهم من الكبر واحتقار غيرهم. شيخ سعدي يقول أي هذا on l'a vu, on l'a entendu et c'est connu أن ceux qui étudient dans ces écoles فكبر واحتقار لغيرهم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. Il a appris sunna et walillahi alhamd, il a compris que c'était grave et istaqama ala at-tariq et il fait des efforts. Fahaula walillahi alhamd, même s'ils ont étudié ind al-kafara min qabl, haula ils se réforment, ils se corrigent. Amma alladhina ghadaru bihim, surtout s'ils font des études supérieures et ils rentrent dans le système, kibrun wa ihtiqar, même avec leurs propres parents. قال حتى آبائهم ومن يجب عليهم احترامه. Même avec leurs parents et ceux qui doivent respecter, comme les gouverneurs, comme les voisins, comme أهل العلم. ويزعمون أنهم عرفوا ما لم يعرفوا. أنهم ils prétendent connaître ce que les autres ils connaissent pas. Ah, les parents c'est des arriérés, ils connaissent rien. لماذا لأنه lui il a fait des études. هذا لا يجوز. طالب العلم العلم الشرعي même s'il fait des études في العلم في القرآن في السنة et ses parents c'est des djuhal ou ses voisins ou son entourage, jamais les rabaisse. Il sait que c'est des ignorants, ils n'ont pas étudié, lakin il leur veut le bien et il les respecte et il leur montre billati hiya ahsan. Amma haoula la ihtiqar, il peut le rabaisser devant tout le monde annahu il connaît rien et il lui donne aucun poids. Qala ويزعمون أنهم عرفوا ما لم يعرفوا وأنهم أهل المعرفة والعلم وغيرهم أهل الجهل والأمية. الأمي سليلتخي وهم مع ذلك أجهل الخلق بعلوم الدين. Tu les trouves هؤلاء même s'il a fait des études de médecine ou de droit ou dans l'industrie ou dans la physique, dans la chimie, il a étudié في al-ulum al-dunyawiyya, tu le trouves fi ilm al-shari'a, sifr, min ajhal, من مع ذلك أجهل الخلق بعلوم الدين وبالعلوم النافعة التي ترفع أهلها في الدنيا والآخرة كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن هؤلاء اللي كنسي بالتواضع تفي دي زفور في العلوم الدنيوية. أولا est-ce que ça va être utile أم لا, si ça t'est pas utile, ça fait du mal à ton din, فلا تفرح. Ne sois pas content, c'est une fitna. Ça te fera du mal, fit dunya wal akhira. Si c'est une personne, wallahi alhamdulillah, ala istiqama, et ça profite son ilm, al-islam wal muslimi, c'est un ilm de dunya, fahada tawadu, on le conseille d'avoir un bon comportement. Li anna hada al-shakhs, il n'aimerait pas qu'un talib ilm qui a appris sharia, il le rabaisse. Li anna, c'est pas son domaine. Hada, c'est muhim, avoir de la modestie, du respect. À ma croire être au-dessus des autres et rabaisser les autres, c'est min sifat ha'oula al-kafara. Fa akhbar Allah ta'ala anna al-rif'a al-haqiqiyya fi al-dunya wal-akhira hiya liman jama'a bayna al-ilm wal-iman al-sahih. Fa ha'oula al-aba al-ladhina wada'u awladahum fi al-madaris al-ajnabiyya qad khasiru dinahum wa dunyahum. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il montre أن الرفعة الحقيقية أي celui qui veut être élevé et sa, cette élévation elle lui est utile في الدنيا وفي الآخرة, il doit rassembler deux choses, العلم والإيمان الصحيح. العلم أي الكتاب والسنة, avoir des connaissances, والإيمان الصحيح العقيدة, il soit à la عقيدة السلف. فهذا بإذن الله عز وجل son علم il va l'élever bien sûr avec العمل. قال فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم. شيخ سعدي démontre أن ceux qui mettent leurs enfants عند هؤلاء الكفرة dans leurs écoles dans ce système قد خسروا دينهم ودنياهم, ils ont perdu leur dîn et leur dunya. Pourquoi? لأن ces écoles combattent العلم والإيمان. Ces écoles أن si tu donnes de l'importance au Coran et à la Sunna, cet étudiant, maintenant, il va être taxé, accusé directement, intégriste, radicaliste, etc. Hakada, ces écoles, ils combattent l'ilm ou l'iman. Si cet étudiant, il veut faire salat à l'heure, s'il le voit, il khalas. Ka'annahu, il a fait le monsaïba. Pourquoi? Parce qu'il harab l'iman. Et il harab l'a'mal al-saliha. Revenons-en par en un. Ce parent, s'il aime le din, pourquoi il place son enfant chez des personnes qui combattent le din? C'est ça la question 1. On le répète, si Wahed il essaye de faire du mal à ses parents, le père ou la mère, jamais ce père ou cette mère ils placeront cet enfant chez cet ennemi. Maintenant, Wahed il a voulu leur voler leur argent, il a voulu leur faire du mal. Arubama, l'enfant, ils lui disent de jamais s'approcher d'un tel. Robama, ils sont injustes, Robama, c'est eux qui sont en tort. Lakin, pour le bien de leur enfant, ils l'écartent de Fulham. Pourquoi c'est pas la même chose avec ce système? Il y a quelque chose qui ne va pas le haine. قال الشيخ سعدي رحمه الله ولا بد أن يجدوا بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة فويل لهم من الجهتين. الشيخ سعدي démontre أنهم automatiquement ils verront les fruits amers de ce placement dans ces écoles pour leur enfant. في الدنيا. Imma leur enfant il aura un mauvais comportement, imma leur enfant il perd son din, imma son enfant à cause de cette école il a des problèmes, muhim, des choses ça les touchera fi dunya. Qala fawailun lahum min al-jihatayn wailun lahum mimma ahmaluhum wa dayya'uhum min 'ulum ad-din wa akhlaqihi wa a'malihi wa wailun lahum min jinayatihim al-kubra id wada'uhum bayna yaday a'da' ad-din. Deux catastrophes. La première, Anahum, ils ont causé, ou ils causent la perte de leurs propres enfants. Anahum, cet enfant, Allah, il l'a créé pour l'ibad. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut un minimum de ilm. فَهَاُولَا, ses parents, ils donnent aucune importance à هذا, en plaçant ses enfants chez les kafars. قَالَ وويل لهم من جنايتهم الكبرى إذ وضعوهم بين يدي أعداء الله. كذلك أنهم

As-salaf, rahmatullah alayhim, vu qu'ils avaient un din qawi, et ils avaient beaucoup d'ilm, leurs enfants, ils ne les laissaient pas écouter Ahl al-Bida'a. Rabbama, c'est un muslim. Rabbama, c'est dans la masjid. Peut-être qu'il va réciter du Coran. Il interdit à son enfant d'écouter ce mot, c'est-à-dire, tellement qu'il veut préserver son din. Amma les places chez les kuffars et l'akhiré hada walillahi alhamd. Ils étaient très très loin de hada. C'est quoi la différence entre nous et eux? C'est ces deux points, ad-din et l'ilm. Qala wal-jahl al-shadid wa yadhun bi-jahlihi annahu bi-dhalik yanal al-maratib ad-dunyawiyya kadhalik. Et ça c'est le deuxième point après l'ignorance et la faiblesse de foi. Annahu, il pense qu'en plaçant cet enfant dans cette école, il va faire des études, il va atteindre un haut niveau fid dunya. Ça va devenir un professeur, un avocat, un médecin. C'est ça son but. Wal wadhaif ar-raqiya wa hadha jahlun fadih. Awwalan, tu sais pas est-ce qu'il va réussir. Combien d'enfants de musulmans ils vont à l'école et ils se font que du mal. Qalil, celui qui s'en sort avec des diplômes et ensuite il travaille. Fajahlun fadih. Même s'il s'en sort, tu vas prendre le risque que ton enfant il se fait du mal à son dîne, il te fait du mal à toi pour quelque chose de futile fit dunya. Et si ton enfant il fait des études pendant 10 ans, 15 ans, ça devient un avocat, un médecin et il meurt. Ramada sataqul. Qala fa inna al-maratib ad-dunyawiyya war-riyasat la tatawaqqaf ala at-ta'alim bi hadhihi al-madaris. Troisième point, كذلك ان le fait d'atteindre un haut niveau fit dunya et avoir un emploi, avoir un rang social élevé, ce n'est pas interdit dans l'islam. Être un médecin, un ingénieur, c'est, tant qu'il n'y a pas de haram, au contraire, s'il a une bonne niya et c'est pour aider les musulmans, c'est tayyib. Est-ce que tu vas atteindre ce niveau qu'en étudiant chez les kuffars? Il n'y a pas de médecin chez les musulmans. Walillah alhamd, les musulmans, ils ont كذلك des moyens pour apprendre. Lakin, en s'écartant des ma'asi. Et à notre époque, c'est très difficile. Lakin, si on qaddara annahu, il y a un endroit, un organisme, une école à prendre sans ma'asif, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est les mukhalafat. C'est pas l'apprentissage. Tant que cet apprentissage, ça contredit pas de dîn. Amma la philosophie, tout ça, hada, c'est haram. Et on a déjà expliqué hada. Ala kulli hal, Cheikh Sa'di rahimahullah, il parle de son époque et de son pays. Enfin, son pays, al-mamlaka al-arabiya al-sa'udiya, ils ont du khayr kathir fi hada. Tu peux apprendre là-bas certaines choses. Tu n'es pas obligé d'aller عند الكفرة. قال ولو فرض وقدر حصول ما يؤملون من نيل الوظائف فلا خير في مراتب لا تنال الا بذهاب الدين والاخلاق. Même si on dit va réussir, il y a aucun bien, ne crois pas que ton fils il a réussi. C'est devenu un docteur, il fait pas salat. C'est devenu un ingénieur, il respecte pas les autres, il a du kibr. Il essaie pas de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il délaisse l'islam, il n'y a aucun khayr. Allah, si c'est un mendiant, et il est à la sunna et à la tawhid, c'est afdal. Les anadunia, ça va passer. Ce mendiant et cet ingénieur, ils vont mourir. Celui qui meurt à la tawhid ou à la sunna, il réussira. Amma al-akhar fala. Qala, Cheikh Sa'di, fattakullah fi awladikum, fa innahum amanat indakum, la yahillu lakum an tudayyuhum. ولا تهملوهم ولا يحل لكم ان تضعوهم في مدارس تهلك دينهم واخلاقهم. نصيحه طيبه. فاتقوا الله. On doit tous craindre Allah عز وجل. C'est une responsabilité. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما منكم استرعاه الله رعيه. اي celui à qui Allah donne une responsabilité فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَرِحْ أَوْ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne une responsabilité et il ne conseille pas cette responsabilité. Maintenant, cet enfant, il ne le conseille pas. Le conseil, c'est lui montrer le bien, lui interdire le mal, ne pas le placer chez les koufars. Le placer chez les koufars, ce n'est pas du conseil. Ben, c'est de la trahison. فَهَذَا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رائحة الجنة. إذن من رواية في صحيح مسلم إلا وحرم الله عليه الجنة. فالمسألة لخطيرة. Ne pensez pas que de dunya. On regarde que d'un œil. نعم, il va devenir